Les conviés arrivèrent de bonne heure dans des voitures, carriolant un cheval, chars à bancs à deux roues, vieux cabriolets sans capote, tapissières à rideaux de cuir, et les jeunes gens des villages les plus voisins dans des charrettes où ils se tenaient debout, en rang, les mains appuyées sur les ridelles pour ne pas tomber, allant au trot et secoué dur. Il en vint de 10 lieues loin, de Goderville, de Normanville et Tiany. On avait invité tous les parents des deux familles. On s'était raccommodé avec les amis brouillés. On avait écrit à des connaissances perdues de vue depuis longtemps. De temps à autre, on entendait des coups de fouet derrière la haie. Bientôt, la barrière s'ouvrait. C'était une carriole qui entrait. Galopant jusqu'à la première marche du perron, elle s'y arrêtait court et vidait son monde qui sortait par tous les côtés en se frottant les genoux et en s'étirant les bras. Les dames, en bonnet, avaient des robes à la façon de la ville, des chaînes de montre en or, des pèlerines à bouts croisés dans la ceinture ou de petits fichus de couleur attachés dans le dos avec une épingle et qui leur découvraient le cou par derrière. Les gamins, vêtus pareillement à leur papa, semblaient incommodés par leurs habits neufs. Beaucoup même étrennèrent ce jour-là la première paire de bottes de la résistance et l'envoyaient à côté d'eux, ne soufflant mot, dans la robe blanche de sa première communion, rallongée pour la circonstance, quelques grandes filles de 14 ou 16 ans, leur cousine ou leur sœur aînée sans doute, rougeaudes, ahuries, les cheveux gras de pommade de la rose, ayant bien peur de salir ses gants. Comme il n'y avait point assez de valets d'écurie pour dételer toutes les voitures, les messieurs retroussaient leurs manches et s'y mettaient eux-mêmes. Suivant leur position sociale différente, ils avaient des habits, des redingotes, des vestes, des habits-vestes, bons habits, entourés de toute la considération d'une famille et qui ne sortaient de l'armoire que pour les solennités. Quelques-uns encore, mais cela bien sûr, devaient dîner au bas bout de la table. Portaient des blouses de cérémonie, c'est-à-dire dont le col était rabattu sur les épaules, le dos froncé à petits plis et la taille attachée très bas par une ceinture cousue. Et les chemises sur les poitrines bombaient comme des cuirasses. Tout le monde était tendu à neuf, les oreilles s'écartaient des têtes, on était rasés de près. Quelques-uns même, qui s'étaient levés avant l'aube, n'ayant pas vu clair à se faire la barbe, avaient des balafres en diagonale sous le nez, ou, le long des mâchoires, des pelures d'épiderme larges comme des écus de 3 francs, et qui avaient enflammé le grand air pendant la route, ce qui marbrait un peu de plaques roses toutes ces grosses faces blanches épanouies. La mairie, se trouvant à une demi-lieue de la ferme, on s'y rendit à pied, et l'on revint de même, une fois la cérémonie faite à l'église. Le cortège, d'abord uni, comme une seule écharpe de couleurs, qui ondulait dans la campagne, le long des 3 sentiers, serpentant entre les blés verts, s'allongea bientôt, et se coupa en groupes différents qui s'attardaient à causer. Le ménétrier allait en avant, avec son violon, empanaché de rubans à la coquille. Les mariés venaient ensuite, les parents, les amis, tout au hasard, et les enfants restaient derrière, s'amusant à arracher les clochettes des brins d'avoine ou à se jouer entre eux sans qu'on les vît. La robe d'Emma, trop longue, traînait un peu par le bas. De temps à autre, elle s'arrêtait pour la tirer. Et alors, délicatement, de ses doigts gantés, elle enlevait les herbes rudes avec les petits dards des chardons, pendant que Charles, les mains vides, attendait qu'elle eût fini. Le père Rouault, un chapeau de soie neuf sur la tête, et les parements de son habit noir, lui couvrant les mains jusqu'aux ongles, donnait le bras à Madame Bovary mère. Quant à Monsieur Bovary père, qui, méprisant au fond tout ce monde-là, était venu simplement, avec une redingote à un rang de bouton d'une coupe militaire, il débitait des galanteries d'estaminet à une jeune paysanne blonde. Elle saluait, rougissait, ne savait que répondre. Les autres gens de la noce causaient de leurs affaires ou se faisaient des niches dans le dos, s'excitant d'avance à la gaieté. Et, en y prêtant l'oreille, on entendait toujours le crin-crin du ménétrier qui continuait à jouer dans la campagne. Quand il s'apercevait qu'on était loin derrière lui, il s'arrêtait à reprendre haleine, cirait longuement de colophane son archer afin que les cordes grinçassent mieux. Et puis, il se remettait à marcher, abaissant et levant tour à tour le manche de son violon pour se bien marquer la mesure à lui-même. Le bruit de l'instrument faisait partir de loin les petits oiseaux.